Chapitre 4. Il y eut d'autres explosions dans le lointain, d'autres nappes d'huile, d'autres cadavres. Suzanne Worthington, l'ex-infirmière qui les examinait à la jumelle, s'écria : « Ils sont criblés d'impact, on leur a tiré dessus, et pourtant ce sont des civils. Ils ont commis l'erreur de nager vers le sous-marin, commenta Bardington, dans l'espoir d'être secourus. Je croyais que les U-boats opéraient en plongée, s'étonna Suzanne. Pas lorsqu'ils s'en prennent à un navire non armé. Dans ce cas-là, ils font surface et l'attaquent au canon. Ça économise les torpilles, et comme les submersibles sont très bas sur l'eau, il leur est facile de viser sous la ligne de flottaison. Avec des obus à charge explosive, c'est tout aussi efficace. » Un silence accablé s'abattit sur le cargo. À midi, les voyageurs chipotèrent dans leur assiette. On évitait de regarder par les hublots. L'Almohade traçait sa route à travers un pêle-mêle de débris et de cadavres. Le plus difficile à supporter fut toutefois l'arrivée des requins. On dénombra bientôt une centaine d'ailerons en maraude. De temps à autre, un corps disparaissait, aspiré par les profondeurs. Un nuage rouge se mêlait alors aux irisations de l'huile de vidange. Il arrivait que la dépouille remonte au bout d'une minute. Incomplète. Au moins on sait ce qui nous attend, grommela Suzanne Worthington en se signant. Quelqu'un voudrait-il dire une prière pour ces pauvres gens? Lanzel Crawford se dévoua. S'avança vers la lys, il dit la prière des morts avec l'aisance d'un pasteur ayant pratiqué cet exercice des milliers de fois. Quand le U-boat en aura terminé avec le convoi, marmonna Bardington, il reviendra s'occuper de nous. Les commandants de submersibles prennent du galon en fonction du tonnage coulé. Plus ils expédient de ferraille au fond de l'océan, plus ils ont de chances de grimper dans la hiérarchie de la Kriegsmarine. 3 jours plus tard, l'U-boat prit le cargo en filature. Il fit surface, ne cherchant nullement à se cacher. Des reflets lumineux en provenance du kiosque révélèrent que les officiers étaient occupés à scruter l'Almoa sous toutes les coutures. Cet examen achevé, le sous-marin plongea. On crut qu'il allait passer à l'attaque, mais rien ne se produisit. « Il joue avec nos nerfs, » grogna Lanzel Crawford. « C'est du pur sadisme. » Amy haussa les épaules, jugeant la réflexion idiote. Les sous-mariniers n'avaient généralement pas de temps à perdre. Quel aurait été leur intérêt de jouer ainsi au chat et à la souris? Non, il y avait une autre raison, mais laquelle? Pendant 48 heures, le U-boat accompagna l'Almoa tel un poisson pilote. Tantôt il faisait surface, tantôt il se déplaçait en immersion périscopique. Jamais il ne tenta de prendre contact ni n'esquissa la moindre manifestation hostile. C'était à n'y rien comprendre. « Pourquoi ne nous coule-t-il pas ?» demanda Amy en se tournant vers Hortz. « Parce qu'il ne veut pas détruire le bateau, » répondit le vieillard. « S'il agit ainsi, c'est parce qu'une explosion provoquerait la perte de quelque chose de précieux. Quelque chose qui se trouve à bord. C'est facile à comprendre. Quelque chose ou quelqu'un, » corrigea la jeune femme. « L'un de nos compagnons de voyage pourrait bien être une personnalité de première importance. Un homme du gouvernement que les services secrets allemands auraient tout intérêt à prendre vivant. « Possible, » grommela Hortz, « mais ce serait beaucoup moins intéressant. » « Toujours tes histoires de trésors, » soupira Amy. « Tu ne changeras donc jamais. » Désertant le pont et son climat déprimant, Sharon décida de se lancer à la découverte des cales comme elle l'avait promis. Dès qu'on s'éloignait du quartier des passagers, le cargo ne cherchait plus à dissimuler sa nature d'usine flottante. Là s'étendait un univers de canalisations suintantes et de machines. De rares lampes éclairaient ce gouffre, où l'on se déplaçait sur des caillebotis de fer en éveillant des échos disproportionnés. La fillette eut soudain l'impression d'avoir franchi la frontière du pays des Morlocks, ces créatures nocturnes et troglodytes du roman d'H.G. Wells. Il faisait chaud et moite, l'air puait la graisse, le gasoil et la sueur. Dans certaines zones, le vacarme était si assourdissant qu'on avait envie de se recroqueviller dans un coin, les mains plaquées sur les oreilles. Malgré cela, Sharon s'enfonça dans les entrailles du navire. Les marins, les soutiers, détournaient le regard lorsqu'ils la croisaient à l'angle d'une passerelle ou d'une coursive. C'étaient des hommes à la peau sombre, aux cheveux crépus, à la face aplatie. La fillette supposa qu'il s'agissait d'aborigènes. Certains jetèrent des amulettes sur son passage, d'autres lui adressèrent des signes étranges. L'un d'eux, avec beaucoup de déférence, lui offrit une sorte de petit gâteau gluant qui s'avéra délicieux. Aucun n'osa lui interdire de circuler dans les cales. À deux reprises, Charon se crut perdu. Le labyrinthe des coursives était tel qu'on s'égarait facilement si l'on n'avait pas en tête la topographie précise du lieu. Cet incident la décida à tracer des repères à la craie sur les parois rouillées. Quand elle eut tourné le dos au quartier des machines, elle pénétra dans le territoire des soutes. Là, elle découvrit un univers de caisses, de fûts et de barriques étroitement arrimées. Les marchandises accumulées constituaient de véritables architectures au sein desquelles il était difficile de se faufiler. C'est à cet endroit qu'elle commença à souffrir de claustrophobie. Cette impression détestable se trouvait renforcée par l'éclairage intermittent qui s'éteignait parfois pendant 2 minutes, vous livrant aux ténèbres. Charon envisageait de remonter à l'air libre quand elle entendit les voix. C'étaient celles de Barbington et de Landell Crawford. Les deux hommes chuchotaient avec nervosité au seuil d'une soute aux vantaux entrebâillés. Charon se glissa entre deux caisses pour les observer à son aise. Barbington avait tombé la veste. En bras de chemise, il manipulait une sorte de dévitoire à manivelle. Des dizaines de fils électriques jonchaient le sol. Landell Crawford, agenouillé, le front luisant de transpiration, s'échinait à raccorder ses serpentins multicolores à un gros boîtier muni d'une poignée. La fillette plissa les yeux. La soute était remplie de caisses étiquetées, matériel agricole. Sur chacune d'elles, Barbington avait collé un bâton de dynamite. « Ce que nous faisons est dangereux et prématuré, » grogna Landell Crawford. « Il fait trop chaud ici. Ce type d'explosif est instable. La mise à feu peut se faire spontanément. » « Je sais, » rageait Barbington, le visage souillé de poussière. « Mais nous n'avons pas le choix. » « Vous connaissez les ordres aussi bien que moi, sergent. Il est hors de question que les Boches mettent la main sur la cargaison. L'amirauté a été claire sur ce point. Mieux vaut tout détruire. » « Si la cargaison saute, nous sauterons également, » objecta Landell Crawford. « Et ces pauvres bougres de passagers et les marins et... »« Leur vie ne compte pas. Pas davantage que la nôtre. Vous le saviez en acceptant ce travail. Il n'est plus temps de pleurnicher. » Si le hubot tente de nous arraisonner d'une manière ou d'une autre, l'un de nous deux devra descendre ici et actionner le détonateur. J'ai ajouté 3 bombes au phosphore. Elles brûleront même si l'eau envahit la cale. Quand elles s'éteindront, il ne subsistera plus rien de la cargaison. Comme Landell Crawford demeurait silencieux, Barbington insista. « Je peux compter sur vous, sergent ?»« Oui, capitaine, » fit son interlocuteur d'un ton las. Mais détruire un tel trésor, quel blasphème! Charon retenait sa respiration. Ainsi, Hort ne s'était pas trompé. Le cargo transportait bien une cargaison secrète d'une importance vitale pour l'Angleterre. Voilà qui devenait intéressant. Elle décida d'attendre le départ des deux hommes pour quitter sa cachette. Tout à coup, sans qu'elle sache pourquoi, elle eut la certitude qu'elle n'était pas seule à les observer. Quelqu'un se tenait embusqué dans les ténèbres, comme elle. Quelqu'un qu'elle ne pouvait voir, mais dont elle percevait la respiration sifflante. Barbington et son subordonné avaient achevé leur travail de connexion. Ils refermèrent les vantaux et remirent les cadenas en place. C'étaient des cadenas énormes, dont seul un chalumeau oxydrique aurait pu venir à bout. « Nettoyons-nous, » souffla Barbington. « Pas la peine d'éveiller la curiosité. » Pour les passagers, nous devons continuer à jouer nos rôles de barbons prétentieux. Je n'aime pas ce type, le muet, gronda Landell Crawford, l'ancien de l'armée des Indes. Il a dans le regard quelque chose qui me déplaît. Moi, c'est cette fille, cette amie Sweetheart, répliqua Barbington. Elle est trop lointaine, détachée de tout. Elle a trop de sang-froid pour une femme. Elle ne pleure pas, ne s'affole jamais. « Vous avez vu sa réaction quand l'étrave du bateau s'est forée un chemin au milieu des cadavres ?»« Non, c'est cela même. Elle n'a eu aucune réaction. Je trouve ça suspect. »« Peut-être faudrait-il les éliminer, elle et le vieux, préventivement. Qu'en pensez-vous? En tout cas, il faut y réfléchir. Nous ne pouvons prendre aucun risque. L'enjeu est trop important. L'avenir de l'Angleterre dépend de nous. Ils s'éloignèrent. Sharon demeura immobile dans son trou. Une fois les deux hommes partis, elle entendit une suite de frôlements suivis de pas étouffés, comme si on marchait sur la pointe des pieds. Elle ne s'était pas trompée. Quelqu'un d'autre avait assisté à la scène. « Il ne m'a pas vue, songea-t-elle, sinon il m'aurait tordu le cou. » Elle attendit longtemps, craignant un piège. Quand elle s'estima hors de danger, elle entreprit la lente escalade des passerelles pour retrouver la lumière. Le vieil homme serait content. C'est tout ce qui comptait à ses yeux.